j'étais petit, je m'enfermais dans les toilettes. J'aimais pas le shampoing ni les savonnettes. Mais ma mère me disait en mettant mes chaussettes que dans la vie fallait avoir une bonne tête. Car il faut bien savoir que les autres vous jugent à l'état de vos chaussures. Le chef du personnel se croyait important. Quand j'arrivais au boulot, j'enfilais des gants, rien que pour les ôter devant lui très poliment. Il se prenait pour mon père, il était content. Car il faut bien savoir qu'un sourire aux cyanures est souvent plus efficace que toutes les injures. Il y a des petits sergents très autoritaires qui s'épuisent à pas se mettre en colère. Il y a des chanteurs, auteurs, compositeurs qui trafiquent leur vocabulaire. Car il faut bien savoir oublier qu'on est fier quand on veut réussir. Il y en a qui égorgent des moutons sur les autels. Il y en a qui brûlent des bâtonnets d'encens. Il y en a qui se traînent avec les pieds en sang jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Car il faut bien savoir faire quelques sacrifices pour éviter quelques cicatrices. Et c'est comme ça qu'on apprend à se taire. On apprend la morale et les bonnes manières. On cherche à cacher tout ce qu'on a de vulgaire. Et on devient réactionnaire. Car on veut plaire à tous ses supérieurs. Et même s'ils sont trop vieux, on croit qu'il faut plaire au bon Dieu. Car on veut plaire à tous ses supérieurs. Et même s'ils sont trop vieux, on croit qu'il faut plaire au bon Dieu.